Conte de fées en français. Le géant de la citrouille. Certains contenus de cette vidéo peuvent ne pas être adaptés pour des enfants de moins de 13 ans. Il était une fois, il y a très longtemps, en des temps où les histoires dont nous allons parler s'est passées pour de vrai dans la vraie vie, il y avait le royaume de Colossia. À l'est du royaume, vivait le géant citrouille. Le géant citrouille était le plus grand gargantua qui ait jamais existé et il avait la plus grande notoriété qui soit. À l'époque, les gens ne savaient pas que beaucoup de leurs fruits, légumes et pommes de terre pouvaient être leur nourriture de base. Bien que très goûtus, les glucides contenus en excès dans les patates associés au peu d'exercice firent devenir la population obèse. Ceci devint une opportunité en or pour le géant citrouille qui surveillait de près les enfants qui étaient frappés d'obésité, car il les capturait et faisait d'eux ses servants. Allez, rentre à l'intérieur! Tu ne veux quand même pas que le géant citrouille t'attrape, n'est-ce pas? J'arrive, papa! Cela déclencha un vent de peur partout dans Colossia, et surtout pour le roi Rainer, qui avait une fille, Diana, qui, comme les autres enfants de Colossia, était obèse. La princesse devrait toujours être accompagnée de deux sorciers pour la protéger en toutes circonstances. Aussi, envoyez un message au peuple pour dire que quiconque battra le géant citrouille recevra l'honneur de devenir chevalier. Oui, monsieur. La princesse n'était jamais autorisée à quitter le palais et elle était toujours suivie de deux sorciers gardiens. Pendant ce temps, le message fut transmis au peuple, motivé par l'idée de pouvoir un jour devenir chevalier du roi. Mais peu importe leur motivation et leurs envies, ils n'étaient pas capables de tenir un bâton droit à la simple pensée du géant. À l'est du royaume vivait un pauvre fermier, Patroclus, et sa femme Daphné, et leur fils Aeneas. Ils possédaient une large parcelle de terrain proche de la tanière souterraine du géant citrouille, et ils y faisaient pousser des patates. Aeneas aussi, comme la princesse, était plutôt obèse. La pauvre famille dépensait presque tout leur argent dans de quoi rassasier le gros appétit du fils et n'avait pas grand-chose à manger pour eux-mêmes. Mon amour, qu'est-ce qu'on va faire à propos de l'argent? Ne t'inquiète pas, ma chérie, je vais trouver une solution. Un jour, tandis que Patroclus et Aeneas étaient partis au champ pour récolter les pommes de terre, la terre trembla très fort sous leurs pieds. Oh non! C'est le géant citrouille! Cours! Non, papa. Je ne peux pas. Je suis trop fatigué. Oh, mon fils! Alors, viens derrière moi, vite! Aeneas alla se recroqueviller derrière son père. Mais cela ne servit à rien, car c'était comme se cacher derrière un poteau tout fin. La terre trembla à chaque pas du géant citrouille, tandis qu'il se rapprochait encore et encore du pauvre homme et de son fils. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Inquiet et apeuré, Patroclus regarda autour de lui, tandis que le géant citrouille se rapprochait d'eux. Il ramassa une pomme de terre juste à côté et la lança sur le géant. La patate alla se loger directement dans la bouche du géant. Je suis désolé de ne pas pouvoir courir, papa. Ce n'est pas grave, mon fils. Je t'aime. À cet instant, le géant tomba juste devant eux dans un bruit sourd. Mais il ne savait pas que les pommes de terre agissaient comme une potion magique sur les géants. Et ils virent le géant se faire frapper du sommeil éternel. Quoi? Hein? C'est un miracle! Les anges nous ont bénis, papa! Daphné sortit en courant et voyant que son mari et son fils allaient bien, elle alla les enlacer. Oh, je suis si contente que vous alliez bien! Mais... qu'allons-nous faire de ce géant sur notre ferme? Qu'est-ce qu'on va en faire? Au même instant, le géant citrouille éclata en un nuage de poussière étincelante, laissant derrière lui un énorme tas de graines qui se répartirent partout dans le champ quand le géant s'évapora. Le royaume se réjouit de la fabuleuse nouvelle et tout le monde fut heureux, surtout le roi Rainer. C'est fantastique, ma chérie Diana! Tu n'as plus besoin d'avoir ces sorciers avec toi tout le temps et maintenant, tu peux faire le tour du royaume en toute sécurité. Avec toute cette joie et toute cette excitation, le roi oublia de nommer chevalier le pauvre fermier qui en fut très touché, ainsi que Daphné. Cependant, Enyas n'y pensa pas trop. Après sa rencontre effrayante avec le géant, Enyas décida qu'il allait se mettre à mincir, manger de la nourriture plus saine, comme des légumes verts et des fruits, des œufs dans une proportion raisonnable, éviter les fast-foods, etc. Il se mit à faire du sport régulièrement, et après quelques mois, quand le printemps arriva, il était devenu plus mince et avait vraiment perdu du poids. Un jour, tandis qu'Enyas faisait du sport dans le champ de patates, il remarqua des plants inhabituels qui poussaient dans le champ. « Papa, regarde, c'est bizarre. On dirait que des plants étranges poussent partout. »« Oui, je me demande ce que c'est. Ce doit être des plantes rampantes ou je ne sais quoi. Laissons-les là, tu veux ?» Ils ignorèrent les plants et continuèrent leur journée. Le lendemain matin, quand ils sortirent du champ, ils virent qu'il était recouvert de têtes de citrouilles géantes. Oh non, un géant de citrouille, c'était déjà trop pour nous. Et maintenant, il y en a une armée tout entière. En voyant le champ de patates rempli de ce qui ressemblait à des têtes géantes de citrouille, cela répandit la peur dans le cœur des gens de Colossia. Mais l'absence de têtes effrayantes ou de mouvements finit par réconforter les gens avec le temps. Maintenant, même si Enyas s'était mis à manger de la nourriture plus saine, il ne pouvait pas résister à son habitude d'enfant qui était de tout goûter tout le temps. Et il se mit à se demander quel goût aurait la citrouille s'il en goûtait une. Je suis trop tenté de pouvoir goûter à cette citrouille. Plus tard dans la journée, quand son père fut sorti travailler un peu, Enyas sortit dans le champ et coupa une tranche de citrouille qu'il croqua immédiatement. Oh, c'est tellement délicieux! Bouchée après bouchée, il finit par engloutir une citrouille tout entière. C'était délicieux! Je vais aller dire à maman d'essayer aussi. Maman, j'ai mangé un bout de la tête de citrouille. C'était trop bon! Tu devrais essayer! Quoi? Tu sais que ce n'est pas bien de manger des choses inconnues, enfin. Tu pourrais tomber très malade. Je sais, maman, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Oh, mon fils, comment as-tu pu faire ça? Et si quelque chose finissait par t'arriver? Ne t'inquiète pas, je me sens très bien. Ce soir-là, quand Patroclus revint à la maison, il fut choqué d'entendre parler de cet incident. Oh, papa, ne sois pas trop perturbé. Je vais bien. Et tu devrais d'ailleurs y goûter aussi. Elles sont vraiment ultra délicieuses. Patroclus y réfléchit un petit moment. Et puisque de toute façon, c'était des citrouilles qui avaient poussé à la place des pommes de terre et qu'ils avaient vraiment très faim, ils décidèrent d'y goûter. Alors Daphné dit « Je pourrais les mettre dans l'eau et laisser mijoter un moment. » « Bonne idée !» Ils s'assirent et mangèrent la citrouille bouillie. Et en croquant la première bouchée, leurs visages s'éclaircirent. C'est tellement délicieux! Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si délicieux! Dans les jours qui suivirent, Daphné décida d'utiliser sa créativité et mélangea d'autres ingrédients à la citrouille, tels que du lait, des œufs, du sucre et des épices. Puis, elle mit un peu de la préparation dans des plats recouverts de pâte feuilletée et elle enfourna le tout au four. Ils n'avaient jamais rien mangé d'aussi délicieux de toute leur vie. Ils étaient vraiment contents. Ils récupérèrent les autres citrouilles et les stockèrent dans le cellier. Puis, Daphné confectionna de délicieuses tartes à la citrouille chaque jour qu'ils dégustaient dans la bonne humeur. Un jour, que le roi passait devant le cottage du fermier, il sentit les arômes merveilleux des tartes à la citrouille et fit arrêter son carrosse immédiatement. « Vas-y, dis-moi quelle est cette odeur. Ça sent incroyablement bon. » Quand le goûteur revint, il dit... La femme du fermier fait cuire la tête du géant. Quoi? Ramène-moi tout de suite. Le goûteur y alla et ramena une des tartes. Puis il la goûta et attendit quelques minutes. Le roi avait trop envie de la goûter aussi. Alors il s'empara de la tarte sans attendre pour en manger et fut comme hypnotisé. C'est merveilleux. Appelle le fermier et sa famille. Patroclus fut amené devant le roi, avec sa femme et son fils, qui étaient assez nerveux. Cette tarte est fantastique! Je devrais vous récompenser et faire de vous un chevalier! Mais d'abord, dites-moi comment vous faites cette tarte merveilleuse! Patroclus raconta tout ce qu'il s'était passé et comment ils avaient obtenu les têtes de géants, puis l'idée des tartes. Oh, noble et brave homme, j'avais oublié de te faire chevalier. Le roi fit alors du fermier un chevalier, ce qui le rendit fou de joie. Patroclus, Daphné et Aeneas devinrent des personnes importantes dans l'assemblée royale. Aeneas surtout, qui avait expliqué au roi son régime qui ne contenait pas que des pommes de terre, mais aussi beaucoup de fruits et légumes frais, pour faire des repas équilibrés et sains. Peu après, le roi annonça à tous les gens de son royaume qu'il leur faudrait suivre un régime sain et équilibré, y compris sa propre fille. Au bout d'un certain temps, le taux d'obésité diminua, les gens devinrent plus athlétiques, et le royaume de Colossia fut bientôt connu comme étant le plus sain du monde.